jour l'éveille, elle se lève, s'habille et ne dit rien. Sur son visage glisse une larme, mais ses yeux se sont éteints. Et déjà c'est en vain que tu cherches l'ombre d'un amour. Sous ses larmes, l'ombre d'un amour, l'ombre d'un chagrin. Elle se maquille, mais dans la glace, pas un regard pour toi. Une cigarette, le café passe, elle dit que c'est fini. Elle s'en va, et déjà c'est en vain que tu cherches l'ombre d'un amour. Sous ses larmes, l'ombre d'un amour, elle arrange ses cheveux et sa main tremble un peu. Puis elle va regarder si elle est jolie, si tout va bien. Et si son rimel n'a pas coulé, si elle n'oublie rien. Midi, la gare, tu ne veux pas croire qu'elle ne revient.